m'importe, je ne les écoute pas. J'entends ces bruits qui n'existent pas. Et puis j'attends l'heure en silence, afin d'embrumer la démence de l'avalanche quotidienne, de tous ces cachets qui m'enchaînent et qui ont même éteint le feu. Il n'y a plus rien dans mes yeux, mais je vois tous ces fous, tout aussi faux que moi, qui ne voit que du flou. Une fois enfermé là, à en perdre la tête, je les hais, ces paillettes. Encerclé entre quatre murs, je ne pense même plus au futur. Du moins j'essaye de l'oublier, mais l'avenir est tout tracé. Ils ont tué mes rêves, mais qui leur m'ont dit triste. Restez là, nous dirons adieu à nos chaînes, car ce sera la dernière scène. Pour une fois, nous aurons des ailes pour aller découvrir le ciel. Fermons les yeux pour avancer et ne jamais nous retourner, car aujourd'hui c'est décidé, sur le pont neuf nous irons danser. Des nouveaux artistes, des nouveaux artistes de la scène française. C'est le cas pour Marie Bac à l'instant et Tout C'est Fou. Marie Bac a choisi Maxi France pour vous faire découvrir l'un de ses titres. Bon week-end sur Maxi France. Merci d'être avec nous. Maxi France, vous le savez, c'est le meilleur des années 80 à aujourd'hui. On fait également des petites balades dans les années 70. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure, en début de cette 18e heure, avec William Scheller dans un vieux rock'n'roll. C'était suivi de Nicoletta et de Les Volets Clos. Oui, c'était Les Volets Clos. On avait les années 80 avec Eddie Mitchell, Manque de toi, ou encore plus tôt, une reprise de Chimène Badi, c'était Je viens du Sud. À suivre, d'ici le prochain quart d'heure, on aura Magali Vaé, Alioz, David Charvet, et oui, ou encore Gérard de Palmas qui va arriver d'ici quelques petites minutes. Et puis je vous rappelle que ce soir, comme tous les samedis soirs, vous le savez, sur Maxi France, c'est c'est tout simplement Maxi Live. Et ce soir, ça sera Patrick Bruel qui sera en live pendant 2 heures sur Maxi France, à partir de 20h, donc 20h-22h. Eh bien, c'est Patrick Bruel pour son tour ensemble, oui, 2019-2020. C'est en diffusion, donc en rediff ce soir, 20h-22h, Maxi Live, comme tous les samedis. On passe en live sur Maxi France. Et la suite, comme promis, il arrive, il est là, oui, pour vos plus beaux souvenirs, pour les meilleurs sons aussi, bien sûr. Gérard de Palmas, Elle s'ennuie, c'est sur Maxi France. Bon week-end avec nous, merci aussi d'être avec nous.